Ici, il y a deux possibilités. Tu peux te rendre devant Jourdenia pour écouter la fin. C'est la première maison où on s'est arrêté tout à l'heure, la maison au volet vert. Ou alors, tu te sens un peu plus aventurier aujourd'hui et tu peux prendre le chemin qui se trouve sur la droite. C'est le chemin qui descend vers la rivière. Alors, qu'est-ce que tu fais ?